plaines du Far West quand vient la nuit. Les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo dans les plaines du Far West quand vient la nuit. Les cow-boys près du bivouac sont réunis. Sur leurs grands chevaux, ils jouent du lasso. Yaho! Bing bong, bing bong, rien n'est pour eux plus beau. Sous le soleil qui leur brûle la peau. Yaho! Crânement, ils vont sans trêve ni repos. Qu'ils soient de New York, de Chicago, ce sont tous des as du rodeo. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, dimboum, dimboum, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Bully-ho, ils fredonnent au son d'un harmonica. Dimboum, dimboum, une vieille chanson de leur beau Texas. Bully-ho, bully, bowling, bowling, bowling, bondy, bowling, bully, ho. Wally, bowling, bonding, bowling, bondy, bowling, bully, ho. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit des holy ho. Les cowboys près du bivouac sont endormis.